Boudin. La télé, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, tour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dios si vous nous rejoignez en ce lundi 30 septembre 2024. Et oui, nous arrivons déjà à la fin de ce mois de septembre de rentrée pour cette saison 2024-2025. Dernier jour de ce mois, premier jour de cette semaine, premier magazine de cette semaine qui va avoir l'occasion de faire un tour d'horizon de l'actualité politique, sociale et culturelle avec un sujet essentiel au menu aujourd'hui et principal. Nous allons évoquer la grande fête anniversaire du parc du Pila, et oui, avec ses 50 ans du Pila, puisque le 17 mai 1974, Pierre Messmer, Premier ministre, signait le décret instituant le Pila en parc naturel régional. Pour nous en parler aujourd'hui, au micro et en studio avec nous, Florence Costé, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le 895 de Dio pour évoquer cet anniversaire, une grande année anniversaire, hein, 1974-2024, des événements déjà passés, fêté le 17 mai dernier précisément, et puis un ensemble de rendez-vous qui a été proposé cet été, que nous avions rappelé sur cette antenne, et puis surtout cette grande fête anniversaire qui approche à grands pas, puisque c'est prévu ce dimanche, 6 octobre. Ce sera non pas à la maison du parc du Pila, qui est installée, Florence, à Pélussin, mais ce sera à Saint-Julien-Molin-Molette. Voilà, à Saint-Julien-Molin-Molette, dans tout le village. Voilà, dans tout le village, de 9h à 19h, ce dimanche, le 6 octobre. Vous êtes chargé de communication du parc du Pila, depuis quelques années maintenant, en activité. Merci à vous d'être avec nous. On va évoquer, bien sûr, le parc du Pila, cet anniversaire, ce parc naturel régional, qui est donc formalisé, hein, il faut le dire, sous forme de contrat et de charte, notamment, qui va d'ailleurs être en reconduction, renouvellement prochainement, 2025, pour les 15 années à venir, hein, me semble-t-il. C'est ça, on refait le projet pour 15 ans. Voilà, donc on va évoquer aussi ces enjeux, et puis bien sûr, rentrer quelque peu dans le programme de cette fête anniversaire. En tout cas, 50 bougies pour le parc du Pila. Merci Florence d'être avec nous. Un premier sujet dans ce programme qu'on va retrouver d'ici un instant, en ce 30 septembre, dernier jour de septembre, précisément, demain, premier jour d'octobre. 1er octobre, c'est une grande journée de mobilisation, de grève et manifestations qui sont prévues un peu partout en France, et notamment sur Saint-Etienne, enfin sur le département de la Loire, sur Saint-Etienne et sur le nord du département à Roanne. On aura l'occasion de refaire le point, puisque nous l'avions évoqué il y a déjà quelques jours, voire quelques semaines, avec la grande rentrée sociale de la CGT notamment, que nous avions interviewé, c'était fin août, début septembre dernier. Des mots des sons sensibles s'ouvrent en musique avec nos découvertes, partenariats, artistes, albums chaque semaine avec notre fédération nationale, la Fédération des radios associatives rock de France, Radio Musiques Actuelles. Nous l'évoquons aussi comme tel. En tout cas, double proposition à nouveau toute cette semaine avec un album qui est sorti le 20 septembre dernier, The First Exist de Tram House. Mais nous allons nous arrêter sur cette autre proposition. L'album est sorti il y a tout juste là quelques jours, c'était fin de semaine dernière, ce 29 septembre, fin de semaine voire week-end bien sûr. L'album est sorti via ZRP label, c'est l'album, nouvel album de Lewis Evans. L'album s'intitule Cœur Céleste, c'est un album composé en 12 titres. un artiste, Lewis Evans, qui a sévi au sein des Lonskys, si cela vous dit quelque chose qu'on avait déjà défendu sur cette antenne. Un album très influence pop à la sauce british. Il est d'ailleurs lui-même anglais, enfant de Liverpool et normand d'adoption. C'est un groupe qui est emmené certes par Lewis Evans, mais qui est très bien accompagné, puisqu'on retrouve Benjamin Saint-Léger, Émilie Corr, Milena Martin, Pierre Millet, David Le Rossignol, Margot Le Maréchal ou encore Jane Horseman pour accompagner et mise en musique et en son de ce projet musical-là. C'est le troisième opus de Lewis Evans, je vous le disais, dans un registre très pop, format... Elle est quasi classique, mais des ballades plutôt efficaces dans le registre. L'album s'intitule donc Cœur Céleste. Il a été mixé par les références en matière pop, mixé par Clive Martin, qui a travaillé avec David Byrne, The Cure et d'autres, et masterisé par Mike Marsh, qui a travaillé lui avec Oasis, pour exemple. La pochette est tout à fait pop également. On le retrouve avec un beau visuel coloré et un beau travail visuel et graphique. Cœur Céleste, Lewis Evans, que je vous propose avec ce titre très bien venu en ouverture de ce programme, en ouverture même de cet album. C'est bienvenu en ce 30 septembre, en ce lundi. Le titre, c'est Monday de Lewis Evans, que je vous propose de découvrir. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Silver crests, pink dots on her breasts. I'm like a runaway train with no destination. I'm like Colonel Mustard. Tell myself I've lost the war. Oh, leave me alone. Yet it's Monday. Yet it's Monday. Banks and books, couldn't see it, couldn't see it, couldn't feel it. I'm like a runaway train with no destination. I'm like Colonel Mustard, telling myself I've lost the war. Oh, leave me alone. Yet it's Monday. Et oui, it's Monday, c'est bien lundi, comme nous le confirme Lewis Evans, issu de cet album Cœur Céleste, qui s'ouvre avec ce titre Monday. L'album est sorti tout juste ce 29 septembre via le label ZRP, distribué par Curoneco. Vous aurez davantage d'infos en vous rendant bien sûr sur le site dédié ferrarock.org ou en écoutant le programme Dig Dig Diggers, notre programme mutualisé et collectif à retrouver chaque vendredi sur notre antenne. Ce sera à midi à 19h, rediffusé le lundi en matinale dès 8h. Lewis Evans a été interviewé par Guy Rec de Radio Active. Vous retrouverez Jordan de Radio Mega qui a rencontré Tram House pour l'album The First Exist. Autre partenariat cette semaine. Et puis un autre module supplémentaire et découverte, un module événement Indie First qui a été réalisé par Elina, précisément la salariée de la Ferrarock. Voilà pour l'actualité Ferra de cette semaine. L'actualité politique, sociale et culturelle dans ce programme des mots, des sons sensibles, actualité politique, alors politique nationale notamment, avec sa déclinaison locale, alors actualité locale et municipale, ce sera dans ce même programme demain, mardi, avec la première séance de cette rentrée du conseil municipal de Saint-Étienne, qui s'annonce agitée et très chargée. Ce sera cet après-midi à la salle, bien sûr, de l'hôtel de ville, que nous allons suivre attentivement pour vous en faire retour demain, bien entendu, mais l'actualité locale et nationale, c'est également ce 1er octobre, non pas sur le 895 de Dio, mais dans la rue, puisque c'est un appel à manifestation et à grève pour les salaires, les services publics, l'abrogation de la loi retraite. Manifestation et grève pour l'ensemble des droits des travailleurs travailleuses ce 1er octobre qui devrait marquer le début des discussions sur le budget de l'État et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Deux rendez-vous proposés au-delà de la grève, rassemblement et manifestation jusqu'à la sécurité sociale devant le centre hospitalier. Pour le point de rendez-vous, ce sera sur le nord du département à Roanne à partir de 10h30 et à Saint-Étienne, rendez-vous devant la Bourse du Travail pour une manifestation qui devrait se rendre jusqu'à la place de l'Hôtel de Ville. Mais je vous propose de faire un point sur cette manifestation et au-delà, et surtout ses revendications, avec Mireille Caro, secrétaire générale de la CGT de la Loire, que nous avions rencontrée en début de saison. Fin août, se tenait une conférence de presse, à l'occasion aussi de l'Assemblée générale de la CGT, qui nous rappelait d'emblée ce rendez-vous et cette grève du 1er octobre. On fait précisément le point, petit rappel des revendications et de la situation, avec Mireille Caro sur le 895 de Dieu. Alors j'allais dire, on s'était préparé à toute éventualité bien évidemment, hein, parce qu'avec Emmanuel Macron on est habitué un petit peu à ce genre de choses, et le contenu revendicatif de notre entrée sociale était, quoi qu'il en soit, quel que soit le gouvernement ou le Premier ministre, était déjà écrit avec des revendications qui sont très claires sur bien évidemment l'abrogation de la réforme des retraites, pour aller ensuite plus loin pour un retour pour une retraite à 60 ans, la question de l'augmentation des salaires bien évidemment, des salaires et des pensions, hein, avec le SMIC, mais aussi l'indexation de tous les salaires sur les prix. La question aussi des services publics avec un enjeu et d'où la journée de mobilisation interprofessionnelle qui va se faire le 1er octobre puisque c'est le premier jour des débats parlementaires à l'Assemblée avec à l'ordre du jour un sujet majeur qui est le budget, hein, enfin les budgets on va dire, le projet de loi des finances publiques et le projet de loi des finances de la sécurité sociale dans un contexte où là pour le coup selon le gouvernement effectivement les choses risquaient d'être totalement différente, quoi. Soit, et là, c'est ce qu'on va vivre de toute façon, c'est-à-dire une politique d'austérité budgétaire qui va encore plus s'aggraver du fait d'un déficit qu'on nous annonce encore plus exorbitant, mais logique, hein, la politique qui a été menée à travers toutes les aides qui sont accordées aux entreprises et aux plus riches, hein. Les exonérations, pareil, de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale vont faire que, effectivement, la rentrée va être beaucoup plus difficile. Et ce 1er octobre, sur ces questions, entre autres, donc salaire, services publics et retraite, auront vraiment tout le lieu d'une expression très forte du monde du travail. Puis la question de l'emploi, bien évidemment, puisque tout va ensemble. Hein, on est dans une société capitaliste où ce qui compte, c'est l'accumulation de richesses pour quelques-uns. Et aujourd'hui, se succèdent partout en France, mais y compris dans notre département, des plans de suppressions d'emplois, des restructurations d'entreprises, avec malheureusement des situations très graves où les salariés perdent leur boulot. Donc avec, on a vraiment besoin d'exprimer aujourd'hui aussi le besoin d'une réindustrialisation de notre pays, en lien avec les questions environnementales, bien évidemment, parce que c'est aussi une urgence, et des choses, bien sûr, à mettre en œuvre, à mettre à faire, mais qui s'opposent à une vision capitaliste qui détourne les richesses au profit de quelques-uns plutôt que de les réinvestir à la fois dans l'entreprise, dans les services publics, etc. On voit bien l'amusement qu'a pu avoir Macron depuis le début, hein, le jeu pour diviser le Parti Socialiste, ça c'était vraiment fracturer le nouveau Front Populaire, ça c'est clair, et puis par là même fracturer aussi les différents partis, quoi, le Parti Socialiste. Là, chez les LR, on va bien voir ce que ça donne. Il y a déjà une petite fracture qui était déjà bien engagée, mais c'est surtout qu'il veut garder le pouvoir, quoi. En agissant comme ça, il veut garder tout pouvoir. Mais avec un jeu quand même qui risque d'être très dangereux, puisqu'on n'est pas à l'abri d'une dissolution dans moins d'un an, hein, puisque faut attendre un an. Donc, et puis avec une arrivée à vitesse grand V du Rassemblement National, on a pu y échapper là, grâce à un sursaut populaire, hein. Mais bon, on est un petit peu en sursis quand même, donc il va falloir que toutes les forces politiques, et nous, ce qu'on espère aussi, c'est que l'union de la gauche qui a pu se créer puisse se consolider autour d'un contenu, autour de leur programme, même si c'est pas notre programme, mais c'est celui qui ressemble le plus à ce que nous, on peut porter, et qui répond le plus aux attentes du monde du travail, des salariés, des retraités, des privés d'emploi. Et donc, nous, syndicalement, durant toute cette période, on va avoir aussi un très gros travail à faire à travers, bien sûr, la construction de mobilisation, puis redonner confiance, redonner de l'espoir, parce que je crois qu'aujourd'hui, enfin, ce qui s'est passé dans cet épisode électoral et ce qui a amené beaucoup d'ouvriers, employés à voter pour le Rassemblement National, c'est la désespérance et l'espoir, et puis c'est ce sentiment de trahison qu'on a pu connaître de la gauche qui a pu gouverner ces dernières années. Donc il va falloir à la fois que les partis politiques jouent leur rôle, et bon, c'est à eux bien évidemment de s'y inscrire, mais nous on aura aussi un rôle énormément important à jouer pour redonner confiance au monde du travail, redonner confiance à la lutte. Parce que, quoi qu'on en pense, on a que des exemples de toutes les victoires et toutes les conquêtes se sont faites dans la lutte, hein, quels que soient les partis politiques. Et donc, chacun a son rôle à jouer et on a des échéances qui sont quand même très courtes pour le faire. Donc, je crois que, on a cette mobilisation qui arrive, qui est un début de mobilisation, mais on a surtout un énorme travail à faire pour ramener le monde du travail, redonner des consciences de classe, retravailler sur ces mobilisations et puis peser sur les politiques, quelles qu'elles soient, pour que les salariés puissent enfin retrouver une boussole et des repères, quoi. Parce que je crois qu'il y a une perte de repères qui est considérable aujourd'hui. On a déjà un agenda bien chargé. On va surtout beaucoup se concentrer sur le fait de préparer un 1er octobre à l'intérieur des entreprises, pour que ce 1er octobre soit non seulement une journée de mobilisation, mais une journée de grève. Parce que ce qui manque parfois et bien souvent, c'est de taper dans le portefeuille des patrons. Et parce que, on a besoin, eux aussi, qu'ils prennent position. Tout simplement parce que sur beaucoup d'aspects, ils sont directement concernés, notamment sur la question des salaires, mais aussi parce que, d'une certaine manière, à travers leur chantage qu'ils peuvent faire parfois sur l'emploi, sur leur politique qu'ils veulent encore plus grande d'exonération de cotisations sociales qui s'en prennent à la sécurité sociale, etc. Donc il faut aussi, bien sûr, des mobilisations au sein des entreprises avec des journées de grève, parce qu'il faut qu'on interpelle les employeurs. On ne peut pas les laisser tranquilles, et c'est en plus notre ADN dans la CGT aussi d'aller directement auprès des employeurs, exiger des négociations. On va devoir exiger des réouvertures de négociations sur les salaires, sur les conditions de travail et sur l'emploi. Voilà, Mireille Caro, secrétaire générale de la CGT de la Loire, rencontrée à l'occasion de la rentrée sociale et l'assemblée que menait et conduisait la CGT fin août, début septembre dernier. La CGT qui rappelle donc cette mobilisation de demain, ce 1er octobre, hein, et qui rappelle surtout via son communiqué à quel point Emmanuel Macron, en effet, continue de s'asseoir sur la démocratie et à mépriser les citoyens et citoyennes de ce pays. On rappelle qu'il aura fallu attendre plus de 50 jours avant de décider enfin à nommer un premier ministre, Michel Barnier, issu du groupe Les Républicains, qui a obtenu le moins de députés à l'Assemblée, mais qui est compatible avec le desiderata ou les desiderata du Rassemblement National notamment. Véritable hold-up selon la CGT du vote des citoyens et citoyennes. Une insulte pour toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour un changement profond de société et un choix, je cite, plutôt rassurant pour le président du MEDEF, applaudi par l'ensemble des organisations patronales. Bref, augmenter les salaires et les pensions pour vivre de son travail et de sa retraite. Supprimer la réforme des retraites à 64 ans, passée en force, on le rappelle, l'année dernière à coup de 49.3. Améliorer les conditions de travail, investir dans les services publics, réindustrialiser le pays, tout en répondant aux défis environnementaux, font partie de ces revendications à l'occasion de cette journée de grève et de manifestation de ce 1er octobre. 1er octobre qui sera le jour de la première session parlementaire à l'Assemblée nationale avec le débat sur le budget. Le projet de loi des finances, sujet essentiel pour l'avenir des services publics notamment. Grève et manifestation ce 1er octobre à Rouen. Rappel, rendez-vous 10h30, centre hospitalier, manifestons jusqu'à la Sécu. Et à Saint-Etienne, rendez-vous à 10h30 à la Bourse du Travail pour une manifestation qui se rendra jusqu'à l'hôtel de ville. Une manifestation et journée de grève à l'appel de la CGT, mais également intersyndicale, on le précise et rappelle, puisque c'est également un appel de la FSU, de Solidaire ou encore de la CNT. Petite précision. On va quitter les rues finalement et cette journée de manifestation et grève pour rejoindre les sentiers sauvages, notamment du parc du Pilat qui fête ses 50 ans, 1974-2024. 50 ans en effet pour le parc naturel régional du Pilat qui sera célébré en grande partie ce dimanche 6 octobre. Mais avant de retrouver Florence Costet pour nous parler de cet anniversaire et de l'actualité du parc, nous empruntons en effet les sentiers sauvages avec le groupe si bien nommé Parle bien avec ta bouche, qui est programmé bien sûr dans le cadre de ces festivités. Naissance du jour sur les sentiers sauvages, je te le jure, je te le jure, je te le jure. Un vague compte à rebours, les souvenirs en bagage, je te le jure, je te le jure, je te le jure. Je te le jure, mon retour comme l'air pur au souffle court, je te le jure. Je te le jure, mon retour comme la lumière impatiente sous mes paupières se fait attendre. Une placide impatience adoucit mon errance, je te le jure, je te le jure, je te le jure. Jusqu'à en semer le doute, me faire changer de route, je te le jure, je te le jure, je te le jure. Je te le jure, mon amour, la tentation dans les corps, la renvoyer à l'écume. Je te le jure, mon amour, comme le cyanure à la mort, je te le jure. C'est le deal, pas le deal, chacun sur son filon parallèle. C'est le deal, pas le deal, une idylle sur deux filons parallèles. On se retient, on se revient, on se retient. Ah, faire pleuvoir le désordre, en proie seul contre la horde en moi. Je te le jure. Fuyons les ombres et les ornières l'un pour l'autre, tantôt le phare, tantôt le repère, je te le jure, mon amour, comme promis à l'écorce, incisé profond dans mon torse. Je te le jure, mon amour, au matin d'un grand voyage, sur les sentiers sauvages, c'est le deal, pas de deal, chacun sur son filant parallèle. C'est le deal, pas de deal, une idylle sur deux filants parallèles. Sur les sentiers sauvages, chanté là par le groupe de chansons françaises Parle bien avec ta bouche, qui sera en concert. Florence Costet, chargée de communication du Parc du Pilat, ce sera cette fin de semaine, ce sera samedi 5 octobre il me semble. Voilà, ce groupe vient sous la lune en partenariat avec la Brasserie du Pilat, qui nous a fait l'honneur de cette programmation en juste la veille de la grande fête anniversaire le 6. Voilà, là c'est une petite captation live de ce titre-là sur les sentiers sauvages. Dès 16h, la Brasserie du Pilat hors les murs, et à partir de 20h, ce concert du groupe Parle bien avec ta bouche, donc des voix, des cordes, des trucs qu'on souffle dedans et qui fait du bruit. Chanson un peu engagée, un peu d'amour, voilà, de la compo en français pour ce groupe-là, programmé donc ce samedi 5 octobre dans le cadre des 50 ans du Parc du Pilat, que nous allons finalement présenter avec vous, Florence Costet. Cette chanson et ce titre d'ailleurs sur les sentiers me rappellent un poème d'Arthur Rimbaud. Est-ce qu'il n'avait pas sillonné le Parc du Pilat d'ailleurs lui-même en son temps? Pas spécialement? Non, j'ai pas connaissance. J'ai souvenir d'un t-shirt à l'occasion sans doute d'un anniversaire du Parc du Pilat qui arborait ce poème d'Arthur Rimbaud: par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Souvenir. C'est une belle idée d'aller dans les sentiers, mais je ne sais pas si c'était ceux du Pilat pour lui. En tout cas, les sentiers du Pilat sont foulés chaque année de façon nombreuse par les poètes, les amoureux de la nature et autres, ça c'est certain. Le Parc du Pilat qui fête donc ses 50 ans, le 17 mai 1974, je le rappelais en ouverture, hein, c'est Pierre Messmer, Premier ministre, qui signait donc le décret instituant le Pilat en parc naturel régional. C'est donc une année anniversaire qui a été fêtée avec les élus d'ailleurs le 17 mai dernier, voilà. Jour J, anniversaire. Et puis on l'avait rappelé également sur cette antenne, une vingtaine de rendez-vous qui ont lieu cet été, du 13 juin au 7 juillet aux quatre coins du Pilat, avec différents rendez-vous. On se souvient ici même à Saint-Étienne d'une présentation soirée rencontre à la librairie L'une et l'autre, au Méliès Jean Jaurès également, de ce travail mené par deux artistes photographes, là, cette série photographique. Oui, Eric Tabouchi et Nelly Mounier, dont l'exposition sera aussi présente le 6 octobre à Saint-Julien. Et oui, ils avaient séjourné dans le Pilat en novembre, fin d'année 2023. Et puis donc, ils ont réalisé des tirages, enfin des photos, tout simplement, qui a donné lieu à la parution d'un ouvrage, le cinquième volet des Atlas des régions naturelles, qui a donné lieu en effet à exposition. Alors, l'ouvrage est disponible en librairie, mais exposition qui était visible à la Maison du Parc, à Pélussin, où voilà, vous êtes donc situé tout l'été, mais qui sera donc encore visible là, parce voilà, que j'étais resté sur cette dernière date. On l'a réinstallée à Saint-Julien-Molin-Molette et elle sera ouverte. Et nous aurons aussi un libraire qui sera là pour présenter l'ouvrage à Rennes, un peu l'œuvre emblématique de ces deux artistes. Et oui, qui d'ailleurs poursuivent leur travail et leur création, parce que me semble-t-il qu'il y a un projet ou un travail en résidence en cours durant cet automne, en tout cas, sur un triptyque sculptural. C'est ça, à Saint-Julien aussi, sur le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, leur exposition photo et la présence du Pilat dans leur œuvre à Rennes, c'est le petit bonus, c'était pas du tout prévu, mais ils ont trouvé plein de choses très intéressantes dans le Pilat et ils ont eux-mêmes souhaité les capter pour les mettre dans leur travail sur l'Atlas des régions naturelles de France. sur le thème des miracles, me semble-t-il, pour c'est ce ça. Travail en cours. Nous allons rentrer un petit peu dans l'historique. C'est plutôt bienvenu, parler de cette création du parc naturel régional. Un décret qui institué cette zone géographique en parc naturel régional. Comment cela, effectivement, enfin, pour venir sur la genèse, quelque part, un petit peu, de cette création de PNR. Alors, on est dans le monde des parcs, on est un parc un peu particulier puisque ce sont les villes et les notables à l'époque, on peut dire, des villes et notamment de Saint-Étienne qui avaient très envie de préserver le Pila à proximité de la ville et qui ont œuvré. Donc déjà en 1946, il y a le docteur Muller qui parle de protéger cette montagne, le massif du Pila à proximité de la ville. Et puis ensuite, il y a eu le général de Gaulle à instituer la création des parcs naturels régionaux. Ça, c'était dans 71, je crois. Et tout de suite dans la foulée, donc les élus de Saint-Étienne et l'association des Amis du Parc s'est créée pour créer les organismes capables de porter la candidature. Et très fortement, entre les Amis du Parc et les élus en place, le préfet à l'époque, puisqu'il n'y avait pas eu de décentralisation, c'était encore l'État qui œuvrer sur le territoire, on fait en sorte que le parc du Pila soit créé, et c'était par décret, comme ça se faisait à l'époque, du Premier ministre, et du coup c'est arrivé en 1974. Création le 17 mai 1974. Alors, vous le disiez, c'est un décret, c'est aussi un classement qui intervient. Alors, comment au niveau... sous quel ministère de tutelle ? Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Autant à l'époque, c'était facile. C'était le Premier ministre et le préfet qui disaient « Allez, c'est bon, il y a un projet et on classe... » Enfin, facile, entre guillemets. Il y avait quand même beaucoup de démarches et il fallait montrer une volonté locale et présenter un projet qui tienne la route. Aujourd'hui, la compétence des parcs naturels régionaux a été transférée à la région. Donc, c'est la région qui pilote le classement et qui fait en sorte de mettre un peu tout le monde autour de la table, qui confie la réalisation au syndicat mixte du parc, qui aujourd'hui, il a 50 ans aussi et il a du coup l'expérience nécessaire pour créer un projet de territoire qu'on appelle la charte du parc. Et c'est au regard de ce projet que l'ensemble des acteurs autour du parc valident et disent « Ok, banco, on y va ». Donc ça veut dire à la fois les communes du territoire, les villes-portes qui sont toujours dans le coup et qui nous aident beaucoup à concevoir et à porter ce projet, aussi les départements, la région bien sûr, et puis ce projet, une fois qu'il est bien constitué, on l'envoie à l'échelle nationale, donc le Comité national de protection de la nature qui donne son avis, des fois on revoit notre copie, l'autorité environnementale, le ministère de l'environnement, et au final c'est toujours un décret interministériel qui viendra renouveler le label parc naturel régional, sans oublier le passage en enquête publique qui interviendra juste avant que les élus des communes se prononcent oui ou non au regard du projet. Ils rentrent dans le parc nouveau qu'on est en train de construire et qui sera pour l'horizon 2041 cette fois. Voilà, 2025-2041. Sera, me semble-t-il, le quatrième renouvellement finalement de cette charte. Oui, c'est ça, on sera à la cinquième charte. À la cinquième, il y a eu 91, 2001, 2012. Voilà, et là 2026. Et puis là, 2025, 2026 jusqu'à 2041 pour cette nouvelle charte. On le rappelle, le parc du Pila, justement, aujourd'hui, à ce jour, c'est un syndicat mixte, comme vous le rappeliez, qui regroupe 49 communes, c'est 5 ça. Intercommunalités, 17 villes porte deux départements, une région, donc qui agissent sur ce territoire avec ce cadre-là et ce projet politique qui est la charte et que représente finalement la charte. S'il s'agissait de la présenter sous justement quels en sont un petit peu ces grands, sans rentrer dans le détail, mais ces grands enjeux, ces grandes missions, qu'est-ce qui fait que il est important finalement de mener à bien ce contrat, finalement, de formaliser les choses via cette charte. Alors l'avantage de la charte, c'est comme vous dites, c'est un contrat, c'est-à-dire que c'est un petit peu la ligne politique que se donne le territoire pour les 15 années qui viennent. Et l'enjeu, c'est que chacun des signataires, chaque partie prenante se dise, dans l'ensemble de ce projet, moi je prends ma part Et dans les domaines dont j'ai les compétences, je vais essayer de les construire et d'exercer mes compétences dans ce sens qui est inscrit dans la charte. Alors le projet, il est très vaste, bien sûr. On parle à la fois d'économie, avec l'agriculture, avec la forêt. On parle d'éducation, avec l'éducation des plus jeunes, mais aussi la sensibilisation des adultes. On parle de biodiversité, bien sûr, avec la préservation de la nature sous toutes ses formes. On parle de culture, avec des programmations artistiques et une médiation culturelle. On parle de patrimoine aussi. On parle de tourisme, mais je dirais l'originalité de ce projet, c'est de se dire que tout est dans tout et qu'on aborde les thèmes en transversalité. C'est-à-dire que pour préserver les paysages, on va agir sur l'agriculture, avec les agriculteurs, dans un certain sens. On va replanter des haies, par exemple, qui auront un effet bénéfique pour la biodiversité, pour les exploitations agricoles, puisque les haies vont apporter un certain confort aux animaux, par exemple. C'est juste un petit exemple, couper du vent. Ça va aussi avoir un effet bénéfique pour les paysages, pour l'environnement. Voilà, ça c'est un exemple, et pour se dire que la charte, en fait, c'est un moyen de mettre toutes ces thématiques en lien et que chacun ne reste pas avec dans son propre silo à ne gérer que la compétence qu'il a. Et c'est ça l'avantage du parc, c'est qu'il ouvre à d'autres sujets, à d'autres problématique, même quand on parle d'un seul petit sujet précis. Là, j'ai cité les haies, par exemple. Oui, transversalité. Alors justement, pour faire lien avec aussi l'anniversaire, parce que ça va être l'occasion finalement de mettre un peu en exergue aussi l'ensemble de ces actions et d'interventions finalement, avec précisément le choix que vous avez fait pour ces 50 ans de présenter toute cette palette d'interventions, 10 espaces de rencontre pour dresser le portrait du parc du Pila, justement d'hier, d'aujourd'hui et de demain, avec ces grandes axes d'action et d'intervention: agriculture, forêt, biodiversité, paysage, la mobilité également, le patrimoine, l'architecture. Si vous vouliez balayer et dresser un petit peu ce large portrait. Alors on va aborder tout ça pendant la fête. En fait, on s'est organisé en espace thématique, comme ça chaque collègue chargé de mission qui toute l'année œuvre sur ce sujet-là, donc j'allais dire qui est expert du sujet et de la façon dont c'est conduit sur le parc, sera présent pour en parler avec le public. Et dans chacun des espaces, on a essayé de créer des animations pour toucher du doigt un petit peu les spécificités du Pila. Par exemple, en agriculture, on va proposer un loto des vaches pour essayer de reconnaître les différentes variétés, les différentes espèces de vaches qui sont présentes dans le Pila. Mais ça va un peu plus loin. On va voir aussi quelles sont leurs productions, où est-ce qu'elles sont dans le Pila, avec une carte. On va parler de l'histoire de l'évolution de l'agriculture dans le Pila depuis 50 ans, parce que ça commence à faire un petit moment maintenant. Si on parle forêt, bien sûr, on va parler de la forêt d'aujourd'hui, on va parler de la forêt de production, de la forêt de loisirs et de la forêt biodiversité. Ce qui nous préoccupe un peu en ce moment et ce qui transparaît un peu à travers les chartes maintenant qui arrivent, c'est aussi le dérèglement climatique. Donc bien sûr, on va parler forêt et dérèglement climatique, et on a même invité les pompiers. Le SDIS sera présent pour parler incendie de forêt, plus précisément prévention. Voilà comment on peut faire aujourd'hui. Sur cette fête, on a essayé vraiment de construire en prenant une thématique et en faisant le lien sur la globalité et en essayant de se projeter sur l'avenir. Alors ça, c'est pour ce 6 octobre, toute la journée. On va revenir encore dans cette programmation. Pour revenir sur sa situation finalement et son existence aujourd'hui, ce syndicat mixte est donc piloté par 24 élus. Le président à ce jour est Charles Ziox. C'est ça, maire de Bessay. Maire de Bessay même. Justement, l'avenir, puisque le travail est en cours avec cette cinquième révision, où j'ai pu, en prenant quelques infos ici et là, voir que le parc entendait s'étendre encore et toujours. Donc une extension éventuelle, mais large, puisque de ce que j'ai pu voir, c'est encore une extension sur d'autres départements. Alors le Rhône, la Haute-Loire, l'Ardèche, ce serait environ 75 communes en tout. Voilà, donc aujourd'hui. Contre 49 aujourd'hui. Voilà, alors je ne sais pas si on va passer de 49 à 75 communes. En tout cas, aujourd'hui, le parc du Pilat se situe uniquement sur les départements de la Loire et du Rhône. Et depuis la fusion des régions et l'extension de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça devient plus facile d'étendre un petit peu le parc du Pilat, toujours dans la même région, mais sur les départements de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Donc ça fait longtemps que certaines de ces communes nous avaient fait un appel du pied et qu'elles avaient envie d'intégrer le parc du Pilat. Donc là, à l'occasion de cette révision, on s'est dit ben, pourquoi pas, et on a proposé un périmètre d'études qui couvre ces 75 communes. Donc qui est les communes actuelles plus un petit peu 21. En Ardèche et en Haute-Loire. Alors, le projet tel qu'il est proposé, il est comme ça aujourd'hui. Et une fois que le projet sera terminé, sera validé par l'ensemble des partenaires, ça sera à chacune des communes, et notamment celle de ce périmètre d'extension, de se dire si oui ou non ce projet leur convient et s'ils ont envie d'intégrer le parc naturel régional du Pilat. Alors, bien sûr, on les a consultés et ils sont partie prenante dès aujourd'hui pour la réalisation de la rédaction de ce projet. Mais voilà, on saura à la fin du compte quel est le périmètre exact du parc quand chacune des communes se sera prononcée. Oui, une géographie, s'il faudrait resituer pour nos auditeurs auditrices, hein, qui est un petit peu circonscrit comme ça entre Vallée du Gier, finalement, jusqu'à Givors, oui. Et puis avec la Vallée du Rhône, voisine. Et là, on aurait une extension un peu plus au sud, finalement, hein, avec la Haute-Loire, et ça ferait une sorte de périmètre entre Saint-Jumalmont, Saint-André-en-Vivarais, Saint-Romain-la-Chalme, toutes ces communes de Haute-Loire qui viendraient peut-être compléter cette géographie. Voilà, c'est ça, jusqu'au Mont Felletin, en fait, ça permettrait, nous on voit bien ça en espace géographique aussi, et ça engloberait jusque le Mont Felletin, jusqu'à Saint-Julien-Molay-Sabat, et l'Ardèche. On ne va pas jusqu'au parc naturel des Monts d'Ardèche, mais on s'en rapproche un petit peu. Oui, on rappelle que le Pilat fut le, je crois, 12e parc à être créé en 1974, c'est ça. Ça, sur l'ensemble du territoire, bien sûr. Oui, oui, oui. En région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a aussi une réunion de ces parcs, puisque nous avons aussi, nous, travaillé d'ailleurs en projet sur ce point. Oui, c'est l'Association des parcs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une des régions qui a le plus de parcs. Il y a 10 parcs naturels régionaux et du coup, une dynamique qui est vraiment très forte. Avec là aussi une extension possible. On sait qu'il y a eu beaucoup de projets sur aussi notre secteur, hein, qui est très entouré de montagnes et de milieux finalement aussi très propices, je dirais. Mm-hmm. Est-ce que c'est aussi un travail encore en cours? Je pense aux forêts notamment, par exemple, ou le nord du département, les Monts de la Madeleine, par exemple aussi, qui avaient cette ambition. Alors les Monts de la Madeleine, je ne sais pas, j'ai pas connaissance. Le parc du Livradois-Forêt, lors de sa dernière révision de charte, s'est déjà un petit peu agrandi dans le département de la Loire. Là, ils sont en train de revoir leur projet, donc je ne sais pas, peut-être, va falloir suivre ça de près. Ok. Pour revenir au cœur du parc du Pilat, les axes et cette transversalité, vous l'avez évoqué, l'idée dans ce renouvellement de charte en perspective, il est de continuer finalement à travailler sur ces points avec ces enjeux majeurs qui concernent ce territoire autour de tourisme, nature, patrimoine, activité économique, agricole. C'est un petit peu l'idée de renforcer toujours ce travail sur ces axes transversaux-là? Oui, c'est d'aller plus loin. Alors, plus loin aussi en innovation, parce qu'une des spécificités des parcs régionaux, c'est d'avoir la capacité à innover, de faire des expériences et de tester. Donc ça, c'est vraiment réaffirmé dans ce projet. C'est-à-dire qu'on est là pour défricher un petit peu et ouvrir des nouveaux chemins. Dans cette charte qui arrive, il y a deux éléments qui sont clés et qui rentrent vraiment maintenant, qui sont pris en compte en profondeur. C'est le dérèglement climatique. Maintenant, il ne s'agit plus de savoir s'il y en a, s'il n'y en a pas. Il est là, il est bien présent et on commence à en voir les effets. Donc, dans la charte, où je vous rappelle, on se projette à 15 années. Donc, 15 années, c'est énorme. Et ben voilà, on essaie de s'adapter au changement climatique et de faire adapter les différentes activités comme l'agriculture, comme la forêt, on en a parlé tout à l'heure, ou même l'économie, l'habitat. avec l'urbanisation, voilà comment il faut construire nos villes aujourd'hui pour que demain on souffre moins de la chaleur et de ces différents effets de plus de sécheresse, de plus d'intempéries, enfin voilà, du dérèglement sous toutes ses formes. Et puis aussi la transition, parce que la transition vers des énergies qui soient moins fossiles, c'est aussi essayer d'atténuer ce changement climatique et de basculer vers un monde. Dans la précédente charte, on avait un titre, ça s'appelait Changer d'air, R-E-R-E. Et ben voilà, on est toujours là-dedans en essayant d'aller plus loin et en essayant de continuer ce travail en profondeur. Oui, et puis alors dans cette même question aussi, c'est celle finalement de l'habitat, de la mobilité même, c'est-à-dire habiter les villes et villages, c'est une véritable question. Comment s'y déplacer aussi, les enfants de demain, où travailleront-ils, comment se déplaceront-ils finalement, c'est une véritable question à une époque aussi où on a connu un certain exode rural, on a vu les campagnes finalement aussi se vider, en termes aussi d'activité économique. Et la problématique est encore actuelle, hein, avec notamment le secteur agricole qui est très concerné, hein, par des fermes aussi qui disparaissent de plus en plus. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un renversement de situation avec des personnes qui davantage rejoignent justement peut-être les campagnes? On a l'impression, en tout cas sur certains secteurs, et là vous en êtes un peu clé avec la commune par exemple de Saint-Julien-Molin-Molette, qui voit aussi une sorte d'effervescence en termes d'accueil, de résidence, de travail, de création, de renouvellement aussi, justement un peu de repenser, hein, la vie rurale. Voilà. Alors le parc du Pilat, il est plus dans la démarche d'être sous pression de ces citadins qui ont envie de revenir habiter ou de venir habiter plutôt à la campagne. Donc ça, c'est une tendance qu'on observe depuis très longtemps. Si le parc il a été créé, c'était déjà un petit peu ça, pour préserver les espaces naturels, mais ça, je dirais, la tendance ne fait que de se renforcer, sachant que dans les années 70-80, le pétrole n'était pas cher, donc on pouvait se dire, on habite à la campagne, on va travailler à la ville, ça ne posait pas trop de problèmes, on ne pensait pas encore au dérèglement climatique. Aujourd'hui, la donne, elle a changé quand même. Donc l'enjeu pour le parc du Pilat, c'est d'arriver à créer des emplois sur place pour que les nouveaux habitants, ou même les habitants du Pilat aujourd'hui, ne soient plus obligés d'aller travailler à la ville. Et voilà, sur ces mobilités, c'est vraiment une des clés d'avenir. On se rend compte que c'est de plus en plus difficile, et quand on essaie de se projeter, c'est vrai qu'il y a des vraies questions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Donc voilà, c'est arriver à travailler tout en même temps, à la fois la mobilité, à la fois l'accueil de nouvelles populations qui puissent avoir de l'activité sur place, de proposer des services aussi aux résidents, aux habitants du Pilat qui sont là aujourd'hui et qui ont des envies comme les citadins. Il n'y a plus de différence entre habiter la ville ou habiter la campagne. Et puis voilà, quelle mobilité, quel habitat, pour pas non plus trop s'éparpiller, j'allais dire, sur les terres naturelles, et puis quels emplois, c'est tout l'enjeu. Oui. On évoquait Saint-Julien-Molin-Molette, qui va être le cœur de cet anniversaire et de cette fête pour ses 50 ans ce dimanche 6 octobre. On l'a évoqué sur cette même antenne pas plus tard qu'il y a quelques jours, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, puisque Saint-Julien-Molin-Molette aussi proposait un ensemble d'événements autour, notamment, et on a pour ceux d'ailleurs sur l'antenne du 895, réutilisé, réexploité une matière qu'on avait travaillée l'année dernière lors d'un événement à la Terrasse sur Dorlaix, Tresse alors, oui. Une sorte de festival, et qui précisément était là au cœur un peu de l'événement, hein, de par le Conservatoire des savoir-faire rares du Pilat, qui vient tout juste d'être créé. Oui, c'est ça, c'est le parc a essayé, on s'est dit, les patrimoines matériels, on les voit, on les capte, et ils sont c'est évident de les préserver, mais les savoir-faire, le patrimoine immatériel, eh ben, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vous parlais d'innovation, le parc il a essayé d'innover dans ce domaine en essayant de capter des savoir-faire comme des gestes, notamment des gestes techniques dans la matière de l'industrie textile. Et aujourd'hui, on a une dizaine de métiers et de gestes comme la remise en train d'un métier jacquard, comme changer une petite navette sur les métiers de tresse et lacet. Voilà, un certain nombre de gestes dont on a capté le geste précisément par des outils de vidéos et de fichiers d'écriture pour stocker un petit peu ses savoir-faire dans l'idée de pouvoir les réexploiter dans d'autres thématiques et ne pas perdre et aussi valoriser pour penser au futur, penser à l'avenir sur la base des ressources qui sont propres au territoire et les savoir-faire en font partie. À Saint-Julien, pour les journées du patrimoine, on a ouvert avec le propriétaire de l'usine Perrier, une usine sur laquelle nos artisans de l'industrie textile sont en train de remettre en train des métiers à tisser ou des machines techniques. Et cette remise en train est l'occasion aussi de capter les savoir-faire pour les intégrer dans le conservatoire des savoir-faire du Pilat. Et oui, puis ça permet effectivement de conserver effectivement ce savoir-faire parce que ceux qui, celles qui pouvaient le pratiquer aussi commencent aussi à disparaître et ce savoir-faire se perd finalement. Oui, donc oui. C'est une manière de pouvoir l'archiver. L'archiver et puis de se dire peut-être qu'un jour, ça servira pour faire autre chose. Alors, même si aujourd'hui on n'a pas la réponse, les créateurs de demain, les imaginations, les cerveaux de demain vont peut-être avoir des idées, donc c'est important de leur garder cette matière. Et il sera question de refaire ces gestes, justement, des tresseurs autour de métiers à tresse dans le cadre de cet anniversaire, puisque cela fera partie de ces thématiques, et de ces thématiques, notamment que vous avez évoquées, patrimoine, architecture, mais bien d'autres encore, avec un ensemble d'animations prévues. Voilà, sur l'espace patrimoine, on vous invitera à regarder ce conservatoire des savoir-faire et de faire certains gestes. Il y aura le stand paysage, où on pourra faire des lectures de paysages et se replonger dans l'observatoire photographique des paysages, qui lui a 30 ans. Ça fait 30 années qu'on suit des points de vue précis du Pilat, et là vous pourrez voir des séries complètes. On parlera aussi biodiversité avec la caravane de la biodiversité où il y aura des animations. Il y aura les spécialistes des coccinelles qui viendront nous expliquer comment ils font des relevés scientifiques et comment on fait pour étudier un groupe d'insectes qui est un peu spécifique avec des... Oui, parce que quand même, il y a eu quelques espèces très rares qui ont été répertoriées sur le parc du Pilat. Ça témoigne aussi de sa biodiversité. On ne les connaissait pas bien, toutes ces espèces. Et là, récemment, ils ont trouvé un inventaire bien plus complet qui va alimenter Pilat Biodiv, qui est le site internet sur lequel on recense l'ensemble des observations en nature qui ont été faites dans le Pilat. Des animations en termes de tourisme, de loisirs, de culture également, parce que c'est aussi un vecteur de partage bel et bien présent sur ce territoire du Pilat. J'en profite pour annoncer aussi la présence de nos collègues et notre cousine de Radio d'ici qui sera présente également pour cette fête. Et puis d'autres thématiques abordées, la forêt, vous l'avez évoqué, avec des conférences notamment, et puis de la grimpe. Oui, alors on a inventé une conférence grimpée. Donc nos collègues qui vous parleront de la forêt le matin à partir de 10h pendant la grimpe d'un arbre et on vous montrera les gestes, on vous expliquera à quoi ça sert de grimper dans les arbres pour les forestiers. Oui, parce que ce sont aussi des activités très présentes sur ce territoire. Voilà, donc on les connaît bien en activité de loisirs. Donc ça, tout un chacun peut pratiquer cette activité, mais les forestiers aussi utilisent cette technique. Donc là, c'est l'occasion d'en parler aussi sous un autre angle. Entre autres thématiques, le Pilat du futur, l'économie, l'agriculture et le pastoralisme notamment, qui restent aussi présents sur le Pilat. Tout à fait, avec des ciné-débats dont on n'a pas parlé, mais ça va être l'occasion de faire des prolongements sur des sujets précis, et le pastoralisme, le travail avec les agriculteurs en fait partie, c'est-à-dire qu'on a de la chance à Saint-Julien de pouvoir utiliser le cinéma de Cinémolette, et toute la journée, on va projeter des films avec des temps d'échange avec le public pour parler des sujets qui nous tiennent à cœur, et là, à travers le pastoralisme, on va essayer de creuser comment le parc peut travailler avec les agriculteurs pour préparer à l'agriculture de demain dans le Pilat, et pour s'adapter notamment encore au changement climatique. Il y a encore des bergers sur le parc du Pilat. Oui, il y a encore. Ça va être l'heure de la transhumance et de la démontagne. c'est ça. Donc ça, comme chaque année, c'est le rituel bien connu, souvent réservé aux amis parce qu'on n'est pas dans un territoire où il y a des grandes fêtes traditionnelles, mais il y a quand même des petits événements qui existent et voilà, pour les chanceux, vous pouvez y participer. Des projections nombreuses, vous l'avez dit. Ça, ce sera alors le 6 octobre à Saint-Julien-Molette. Toute la journée. Tout le village va être investi finalement. finalement, hein, dans ces différents lieux. Mais il y a de la projection en amont, ce jeudi par exemple, 3 octobre. J'avais noté ce rendez-vous à la Cinémathèque de Saint-Etienne, hein, à partir de 14h30, où il y aura aussi des archives, hein, tout simplement, hein, qui vont permettre de revenir sur la naissance du parc. Pour les Stéphanois, c'est le rendez-vous à Saint-Etienne, c'est-à-dire jeudi 3 octobre à 14h30, la Cinémathèque a retrouvé, enfin c'est sa mission de capter et de pouvoir proposer des films historiques. Et là, on a un film qui date de 1973. C'est le film qui date d'avant même la création du parc, où on voit tous les acteurs de l'époque, des agriculteurs, des maires, le directeur du parc, l'association des amis du parc dont on parlait tout à l'heure, qui sont interviewés et qui présentent qu'est-ce qu'est le parc, qu'est-ce qu'il va faire. Et on entend aussi beaucoup les craintes ou les témoignages des acteurs du Pilat qui disent « Nous, ce qu'on aimerait que ce soit, ce qu'on aimerait que ce soit pas trop. » Voilà, et ça, c'est très intéressant de voir 50 ans après comment le parc a évolué, comment il est perçu aujourd'hui. Donc dans cette séance, on va voir le film, on aura le directeur de l'époque qui sera présent et un élu d'aujourd'hui qui, voilà, ça pourra permettre d'avoir un échange sur l'origine jusqu'à aujourd'hui, le parc du Pilat. Voilà, pour cette séance stéphanoise, ce 3 octobre à 14h30 à la Cinémathèque, qui sera reprogrammée donc à la passerelle à Saint-Julien. Voilà, on ouvrira les ciné-débats avec ce film-là à 10h, avec une intervention en salle qui sera un petit peu différente, parce que finalement, aujourd'hui, eh ben, c'est tous les Pilatois et tous les habitants d'aujourd'hui qui connaissent et qui vivent le parc du Pilat, donc on essaiera de faire un échange dans la salle avec chacun de nous. Oui, c'est dur, hein, d'aborder 50 ans comme ça d'activités qui vont être fêtées ce dimanche. À nouveau, hein, pré-ouverture au-delà de ce dimanche 6 octobre, parce que là, il y a un événement quand même assez spectaculaire. La prochaine Superlune est prévue le 17 octobre prochain, mais en fait, elle sera déjà dans le Pilat à partir de ce jeudi 3 octobre, parce que vous offrez la Lune à partir de jeudi avec une belle création. Le parc offre la Lune, si on peut dire. En fait, c'est une œuvre de l'artiste britannique Luc Gérard, qui a réalisé une Lune, mais alors une Lune gigantesque. Monumentale. Elle fait 7 mètres de diamètre et elle est rétroéclairée, c'est-à-dire que la nuit, elle va pouvoir briller au-dessus de Saint-Julien-Molamolette et au-dessus de la fête. Et cette lune, elle va être installée dès jeudi soir, dès jeudi 3 et tous les soirs jusqu'à dimanche. Elle va être le lieu d'animation. Alors là, c'est des animations plus de la commune de Saint-Julien. Tous les acteurs locaux s'en sont emparés et va y avoir de la danse sous la lune, va y avoir des séance d'éveil, il va y avoir la fanfare qui va venir faire sa répétition sous la lune. Ben voilà, ça va être le lieu de rendez-vous. Un ciné plein air avec Le procès du chien, film actuellement aussi à l'affiche, des animations diverses, hein, en termes de santé, loisirs, bien-être, animations pour petits et grands, de l'astronomie bien entendu, parce que le thème s'y associe. En tout cas, et le groupe de chansons dont on a parlé tout à l'heure qui vont être programmés dans ce cadre-là. Ce sera du jeudi 3 donc au samedi 5. Place Bancel essentiellement. Voilà, à la Lune, elle va être placée. Elle va être placée ici. Ça nous rappelle un peu comme l'événement des JO, là, avec cette monumentale. Elle va veiller sur Saint-Julien quelques jours avant et pendant la fête. Donc la fête va s'ouvrir le 6 sous la Lune et elle se terminera aussi sous la Lune après le spectacle des Sœurs Goudron. Pour voir les visuels, c'est assez impressionnant, très très beau. Museum of the Moon, qui s'invite donc aussi sur les chemins de Compostelle, c'est bien de l'aborder parce que cela fait partie aussi du territoire et du parc. Oui, et c'est bien de le préciser, si on a pu avoir cette œuvre-là, c'est parce qu'on est en partenariat avec le programmateur qui s'appelle Derrière le Hublot, et qu'on travaille avec eux sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et il se trouve que, comme Saint-Julien est sur Saint-Jacques de Compostelle, là on a pu placer la Lune spécialement à Saint-Julien. Oui, un parcours artistique, et donc des parcours aussi de randonnée. On est à Saint-Julien sur le Saint-Jacques, on a proposé au public de venir à pied à la fête, c'est-à-dire d'emprunter le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, soit au départ de Bourg-Argental, soit au départ de Bessé ou Macla, et de converger vers la fête. On vous a dit, ça fait à peu près 6 km entre 2h et 3h de randonnée. Vous pouvez, au départ de Macla, être accompagné par des accompagnateurs de moyenne montagne. Mais attention, il faut bien s'inscrire sur le site internet parce que les places sont comptées. À partir de Bourg-Argental, vous pouvez cheminer en suivant le balisage à votre rythme, comme vous voulez. Et vous retrouvez à la fête à partir de midi. Ça vous fait profiter de l'après-midi. Et en soirée, pour ceux qui souhaitent, on a mis en place des navettes de bus qui ramèneront les randonneurs à leur point de départ. Beaujolais-sur-Loire, donc soit Bourg-Argental, soit Bessé et puis Macla. Voilà, c'est pareil, il faut s'inscrire, il faut réserver, mais on a tout pensé pour que vous puissiez venir à pied jusqu'à la fête. Venir à pied et repartir en bus, assez génial comme initiative sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc pour les 5 ans du parc du Pilat à Saint-Julien-Molin-Molette, qui est vraiment le cœur de vie hein, du parc et dont on entend beaucoup parler aussi. En ce moment, c'est bien dynamique, Saint-Julien. Très dynamique. Beaucoup de choses, Florence, hein, pour cet anniversaire. Est-ce qu'il y aurait, parce que, alors on peut rentrer dans le détail, les propositions sont très nombreuses, ça va se passer de 9h jusqu'en soirée dimanche et la clôture avec une chorale des Sœurs Goudron, Bingo Novella. Qui va être proposé, donc c'est un spectacle de rue qui doit être assez époustouflant. Enfin, c'est un vrai, on a une vraie chance de pouvoir les avoir pour nous pour le 6 octobre. C'est avec l'Absoar de d'Annonay qu'on a pu les programmer et ça va être un vrai moment festif et joyeux. Ce spectacle qui sera Place des Six Fontaines. Oui, on parlait de l'importance de la culture quelque part, important aussi sur le territoire qui propose bon nombre de rendez-vous, de spectacles, d'art. Le partenaire culturel du parc qui œuvre toute l'année. Le cirque qui est quand même très, justement, l'art de rue, très représenté aussi, hein, avec des instances dédiées au cœur du parc, en Ardèche notamment. Oui, en Ardèche qui est aussi une ville partenaire du parc. La chose qu'on a oublié de vous dire, c'est que c'est gratuit. C'est que tous ces événements sont gratuits, que ce soit les randonnées, les bus ou les animations sur place. Voilà, donc quand même, il y aura des food trucks où vous pourrez vous acheter à manger. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre votre pique-nique. Voilà, on a des partenaires très nombreux. Et puis, il n'y a que des bons produits avec des producteurs locaux du Pilat, donc, qui vont être présents. Restauration donc possible, brasserie locale, on a parlé de la brasserie du Pilat, brasserie de la semaine, mais il y en a d'autres bien sûr, ce spectacle et cette grande fête d'anniversaire au fil de la journée. On a presque fait le tour, Florence Costet, responsable communication du parc du Pilat, on le rappelle surtout, si vous voulez toutes les infos en détail, infos pratiques et autres, un site dédié bien sûr, c'est parc-naturel-pilat.fr. On retrouve toutes les programmes et la programmation. Voilà, et la billetterie pour faire les réservations. Très bien, merci beaucoup Florence. Merci en vous à souhaitant vous. Un bon anniversaire, enfin en tout cas au Parc du Pilat que vous représentez. On souffle avec vous ces 50 bougies et on vous souhaite une belle fête d'anniversaire à partir de jeudi, mais surtout ce dimanche 6 octobre en espérant aussi, mais normalement ça devrait être le cas, que la météo soit de la partie. Merci encore à vous. Merci à vous. On va terminer en musique très rapidement avec une proposition musicale en lien avec un événement qui vient tout juste de démarrer. C'était samedi, c'est le Rhino Jazz Festival qui, me semble-t-il, s'étale quasi jusqu'au Pilat, hein, puisqu'il y a des dates à... Quelques programmations dans le Pilat. Ouais, en lieu assez insolite. Là aussi, parcourez la programmation via rhinojazz.com et en écoutant bien sûr le 895 de Duo Partenaire. Le festival se poursuit, de beaux événements en perspective, dont, allez, revenir sur simplement ces rendez-vous et ce rendez-vous du jour, c'est une conférence d'Éric Tandy qui est attendue ce lundi. Aujourd'hui, 30 septembre, à partir de 19h, autour du Grateful Dead, ce groupe assez emblématique hein, de la contre-culture californienne des années 60, avec sa figure iconique, Jerry Garcia. Grateful Dead, donc, présenté par Éric Tandy, en avant-goût, finalement, de ce fameux concert attendu à Saint-Étienne. Ce sera salle Le Fil, ce jeudi soir, avec toute la crème du jazz français, notamment les frères Belmondo, Eric Lénini et j'en passe, qui seront en concert donc ce jeudi 3 octobre à 20h30, salle Le Fil. Donc conférence à la Cinémathèque aujourd'hui, et puis donc ce concert de jazz, Play the Music of Grateful Dead, ce jeudi 3 octobre au Fil, et nous avons des places à vous proposer pour ce concert de jeudi soir. N'hésitez pas à nous contacter, un petit mail à redac@radiodio.org, et on va précisément écouter le Grateful Dead repris par ces musiciens de jazz pour boucler ce programme en guise de générique de fin. Donc, tout de bon chez vous, portez-vous très bien. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Ciao, bye. Thank you. Thank you.